mon voisin qui s'est tiré. La mode. Pas bien. Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. son âge, une génération de principaux otages. Les disent tout se balance, tout se calcule. Elles s'en sont la connerie des libertés qui reculent.